إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va faire le cours numéro 11 dans l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi et on est arrivé donc au deuxième hadith et on est toujours dans l'explication donc du hadith d'Ibril et on a terminé d'expliquer les trois degrés de l'islam, c'est-à-dire al-islam, al-iman, al-ihsan. Et maintenant, on rentre dans un autre aspect de ce hadith-là, c'est-à-dire les signes du jugement dernier, les signes de l'heure. Lorsque Jibril demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akhbirni an as-sa'a, eh bien, c'est-à-dire donne-moi l'information au sujet de l'heure du jugement dernier. Là, on va voir qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ce sujet-là, et qu'est-ce qui se rapporte à toute cette question du moment de l'heure du jugement dernier. Donc, le cheikh dit, قال أخبرني عن الساعة إلى آخر الحديث. لما كان من جملة أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر وهو يبدأ بقيام الساعة ونهاية الدنيا. فقيام الساعة هو نهاية الدنيا وبداية الآخرة. فهو الأجل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لهذه الحياة ينتهي ثم تقوم القيامة والإيمان بذلك ركن من أركان الإيمان فمن شك في قيام الساعة أو تردد أو جحد قيام الساعة فإنه كافر قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ولا يكفي أن الإنسان يؤمن باليوم الآخر بل لا بد أن يعمل لليوم الآخر فيعمل الصالحات ويتوب من السيئات ويستعد لهذا اليوم فهذا هو المقصود أما مجرد الإيمان باليوم الآخر ولا يستعد ولا يعمل له فإنه لا يستفيد من هذا لا يستفيد من هذا الإيمان. الشيخ explique il dit que lorsque Jibril demandait la question il a dit « Donne-moi l'information au sujet de l'heure du jugement dernier » jusqu'à la fin du hadith. Donc le cheikh il dit que, étant donné qu'un des piliers de la foi c'est de croire au jour dernier, c'est-à-dire que yani, qu'est-ce qui va commencer l'établissement de l'heure du jugement dernier et la fin de ce monde, hein, la fin des temps. Ça c'est lorsqu'il y aura l'heure du jugement dernier qui va être établie, c'est la fin de ce monde et le début de l'au-delà. Donc la fin du monde, les gens souvent on parle de la fin du monde et depuis quelques temps, même depuis plusieurs années, il y a des kuffars qui parlent beaucoup de la fin des temps, la fin des temps, la fin du monde. Et qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que la fin des temps c'est le début, la fin du monde c'est le début d'un autre monde. Parce qu'après ce monde, il y a un autre monde qui va commencer. Et c'est pas la fin de tout. La fin de ce monde, c'est pas la fin de tout. Après ce monde, il y a un autre monde. Hein, il y a l'au-delà qui nous attend. Donc, le cheikh il dit, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un exemple par rapport à cette vie qui termine avec la fin du monde, le jour de la résurrection. Et de croire en ça, ça fait partie de croire en, ça fait partie des piliers de la foi. Et il n'y a pas de doute qu'il y aura un jour de la résurrection, une heure du jugement dernier, et de douter à ce sujet-là ou de nier l'établissement de ce jour-là, eh bien c'est une forme de mécréance. Et celui qui doute ou qui rejette la foi en l'heure du jugement dernier, il a mécru. Ensuite, le cheikh il mentionne le verset 7 dans son At-Tarabun, justement, qui prouve que celui qui nie ça est un kafir, parce que Allah il dit que les gens qui ont mécru pensent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dit certes par ton Seigneur, certes par mon Seigneur, vous serez ressuscités et on va vous informer de ce que vous faisiez. Et ça, c'est une chose très facile pour Allah subhanahu wa ta'ala de le faire. Donc, c'est pas suffisant pour quelqu'un de croire au jour de la résurrection ou au jour dernier. Non seulement il faut croire en ça, mais il faut aussi agir en conséquence. C'est pas juste te dire oui, je crois qu'il y a un jour dernier puis que tu fais rien pour ça. Il faut que tu fasses des bonnes œuvres et que tu te repentes de tes péchés quand tu as fait des choses haram, tu demandes pardon à Allah, hein, et tu te prépares pour le jour dernier. Et c'est ça le but, c'est ça l'objectif en fait de croire en ça. C'est pas juste de dire je crois que ça existe et je reconnais que c'est vrai. Il faut aussi te préparer en faisant les actions qui vont faire en sorte que tu vas être, Inch'Allah, au paradis et dans le bien au jour de la résurrection. Parce que sinon, si c'est juste de dire tu crois, alors il n'y a aucun bienfait là-dedans et tu vas pas profiter. Et bien au contraire, même tu risques d'être dans une mauvaise situation au jour de la résurrection si c'est juste de dire que tu crois en ça. Le Cheikh il dit, أما مجرد الإيمان باليوم الآخر ولا يستعد ولا يعمل له فإنه لا يستفيد من هذا الإيمان قيام الساعة توقيته لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى استأثر الله بعلمه فلم يخبر به الملائكة ولم يخبر به الرسل بل إن الله جل وعلا أخفى علمه عن الخلق أخفى علمه عن الخلق لأنه ليس للناس مصلحة في معرفة متى تقوم الساعة إن المصلحة في الإيمان بقيامها والاستعداد بها والاستعداد لها هذا هو المقصود أما وقت قيام الساعة فهذا إلى الله جل وعلا وقد جاء في القرآن في آيات كثيرة بيان أنه لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى donc le cheikh il dit que en ce qui concerne le temps, quand est-ce que ça va être l'heure du jugement dernier, personne ne le connaît excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a gardé cette connaissance-là auprès de lui et il ne l'a révélée à personne. Il n'a pas informé ses anges, il n'a pas informé ses messagers de quand est-ce que ça va être l'heure du jugement dernier. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît cette connaissance-là et il l'a cachée de sa création. Donc, ça veut dire il n'y a personne qui le connaît. Quand on lit même dans le Nouveau Testament chez les chrétiens, il y a un passage où quelqu'un vient voir Isa alayhi salam, comme c'est écrit dans leur livre, et il lui demande quand est-ce que va être l'heure du jugement dernier. Et Isa alayhi salam il répond, il dit nul ne sait l'heure, ni les anges hein, dans le ciel, ni le Fils, seul le Père. C'est comme ça qu'ils l'ont expliqué. Donc c'est pour dire que souvent on utilise ça comme un argument quand on parle avec des chrétiens, on leur dit, ça c'est la preuve même que Jésus, il connaît pas l'heure du jugement dernier, s'il était Dieu, il devait le connaître, parce que lui-même il nie qu'il le connaît. Hein. Puis bien entendu, leur livre c'est pas une référence puisqu'il n'est pas authentique, mais c'est juste pour dire que parfois, si on trouve dans leur livre des choses qui confirme ce qui est dans le Coran, qui confirme ce qui est dans l'islam, eh bien, on peut l'utiliser comme un argument contre eux pour leur montrer que, qu'est-ce qui est dans l'islam, c'est la vérité. Et que Isa alayhi salam, c'est juste un être humain, un messager d'Allah, et pas un Dieu ou un fils de Dieu. Donc, ensuite, le cheikh, il dit donc qu'il n'y a aucun bienfait pour les, il n'y a aucun profit, aucun bienfait du fait de connaître quand est-ce que ça va être l'heure du jugement dernier. Le bienfait, c'est uniquement de faire les actions et d'avoir la foi que ça va être établi et de faire les actions qui nous préparent à ce jour-là. Mais de savoir l'heure du jugement dernier, ça nous servira à quoi? Ça nous servira à rien. Hein? Même si aujourd'hui tu savais la date, quand est-ce que, exactement, en quelle année il va avoir le jugement dernier et en quelle année ça va s'établir, est-ce que ça va t'amener quelque chose de plus? Non. Tu dois quand même te préparer pour faire des bonnes œuvres, pour être arriver au jugement dernier, hein. Ben, à chaque fois, il donne une date, surtout les chrétiens, ils disent, toujours des affaires comme ça. Même les témoins de Jéhovah, c'est connu qu'en 1914, un de leurs fondateurs des témoins de Jéhovah, il avait dit que la fin du monde allait être en 1914. Et en 1914, il n'y a pas eu de fin du monde. Donc, ils enseignaient ça à leurs fidèles, puis les gens vendaient leurs maisons, vendaient leurs voitures, ils laissaient tout. Ouais, c'est vrai. Et là, après, les gens ont tout perdu parce qu'ils avaient finalement pas, il n'y avait pas eu de fin du monde. Et en dévotant, mais regardez maintenant qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'après, ils l'ont réinterprété. Après le 1914, les gens ont commencé à abandonner les témoins de Jéhovah. Mais ils sont revenus encore une fois par la suite, et ils ont commencé à dire, non, 1914, c'était pas encore la fin du monde, mais c'était une autre chose. Regardez, il y avait la Première Guerre mondiale, donc ça c'était un signe, etc. Là, ils l'ont réinterprété encore, puis il y en a des gens qui viennent avec d'autres dates maintenant. En l'an 2000, c'était supposé être la fin du monde. Moi, je me rappelle, en l'an 2000, les gens disaient ça. Et l'an 2000 est venu, et on est encore là, hein. Le bug de l'an 2000, puis il y en a d'autres qui disaient à l'an 2000 c'est la fin du monde, etc. Tu vois? Donc c'est toujours des choses comme ça. Oui, c'est ça. Donc tout ça c'est des foutaises en fait. Et donc le but c'est pas de savoir l'heure, c'est quand est-ce que ça va venir, mais de se préparer. Et il y a beaucoup de versets dans le Coran et des hadiths qui mentionnent que, en fait c'est plusieurs versets dans le Coran que le cheikh il dit, qui mentionne que on n'a pas connu le jugement dernier, quand est-ce que ça va venir, et que c'est seulement Allah qui le connaît. Exactement. Barakallahu fik. Oui, il y a un hadith comme ça, quelqu'un qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand est-ce que va être l'heure, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, qu'est-ce que tu as préparé pour cette heure-là, hein? Donc ça c'est un exemple. Et il y a d'autres explications aussi, que non seulement il y a l'heure du jugement qui va venir, mais aussi c'est qu'il y a notre mort qui va venir. Et quand ta mort arrive à toi, c'est ton jugement dernier à toi. Et celui-là, tu peux pas savoir quand est-ce qu'il va arriver. Hein? Donc peut-être que le jugement dernier, il reste encore 500 ans avant que ça arrive. Mais nous, on va pas vivre 500 ans. Donc, il faut se préparer pour nous-mêmes, notre vie à nous, qu'est-ce qu'on a préparé pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour mourir dans la bonne fin, inshallah. Et donc, le cheikh, il mentionne le verset, il dit, قال تعالى, يسألونك عن الساعة أيان مرساها, قل إنما علمها عند ربي, لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال تعالى, يسألونك عن الساعة أيان مرساها, فيما أنت من ذكراها, إلى ربك منتهاها, إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Donc le cheikh il mentionne une série de versets, dont le verset 187 dans sourate Al-A'raf, dans lequel Allah dit, et il te demande au sujet de l'heure, quand est-ce qu'elle va lever l'ancre, comment pourrais-tu en avoir, sa connaissance n'appartient qu'à Allah, hein, personne ne connaît l'heure où elle va arriver, excepté lui. Et il mentionne le verset 42 à 46 dans sourate Al-Nazi'at, il dit, et il te demande au sujet de l'heure, quand est-ce qu'elle va lever l'ancre, quand est-ce qu'elle va venir, dit, comment tu pourrais la mentionner ou en dire quelque chose, c'est uniquement ton Seigneur qui connaît quand est-ce qu'elle va arriver, et toi tu es seulement un avertisseur pour celui qui craint cette heure-là. Et le jour où elle va arriver, quand ils vont la voir, c'est comme s'ils étaient restés dans cette vie, juste une après-midi ou une partie de la journée. Donc pour dire que lorsqu'on va être ressuscité, on va penser à combien de temps on était resté sur la terre, puis en réalité on va avoir l'impression qu'on était resté sur la terre que quelques instants, qu'on n'était pas resté longtemps. Ok? Mais quand on est en train de vivre, des fois on trouve que la vie dure longtemps, mais en réalité quand on va repenser à ça, on va repenser à notre vie sur terre, ça va nous paraître comme si c'était juste quelques instants qu'on a passé sur la terre. Après, il mentionne le verset 34 dans sourate Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah, c'est à Allah qu'appartient certes la science de la connaissance de l'heure. C'est Allah qui connaît, oui, 34 dans Surat Luqman. Inna Allah indahu ilmus sa'a. C'est Allah qui détient la connaissance de l'heure du jugement dernier et qui fait descendre la pluie et qui connaît ce qui est dans les ventres des femmes quand il y en a fait l'arham dans les matrices, oui. Et il dit personne ne sait ce qu'il va gagner demain, qu'est-ce qu'il va acquérir demain, et personne ne sait sur quelle terre il va mourir. Et certes, Allah est omniscient et bien informé. Donc, ça c'est Mafatihul Ghaib, comme on l'appelle, les clés de l'invisible, c'est ces cinq choses-là. فعلم الساعة عند الله جل وعلا لا يجوز لأحد أن يقول إن الساعة تقوم في وقت كذا ويعتمد على حسابات وعلى خرافات وعلى أوهام كما يفعله بعض المدجلين مدجلين والمتنطعين فهذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان ومن يفعل هذا فهو كذاب لأنه لا يمكن أن الله يحجب علم قيام الساعة ويأتي أحد ويعرفه أبدا. Le Cheikh dit que donc la connaissance de l'heure, personne ne peut arriver à la connaître. Il n'est pas permis à quelqu'un de dire moi je peux arriver à connaître l'heure du jugement dernier, et il se base sur des calculs ou sur des superstitions ou des illusions qu'il se fait, comme le font certains menteurs et certains des gens qui sont extrémistes dans la religion, Nostradamus ou d'autres comme ça, des gens comme j'ai dit tantôt, Charles Russell, celui qui a fondé les Témoins de Jéhovah et d'autres, ils se basent sur des calculs, ils prennent des versets dans la Bible, ils transforment les lettres en chiffres, puis ils font des calculs des valeurs numériques des lettres, puis après ils disent bon j'ai calculé, puis après mes calculs, le jugement dernier va être en telle date et tout. Le chef dit ces gens-là, c'est des menteurs. Et ils se chargent de faire quelque chose qui ne se base sur aucune autorité, aucune preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces choses-là. Et donc, il dit le chef qu'il n'est pas possible que Allah subhanahu wa ta'ala cache une science des gens et que quelqu'un arrive puis il arrive à la connaître par lui-même. Hein. C'est pas possible que Allah cache l'heure du jugement dernier puis quelqu'un arrive à découvrir quand est-ce que ça va arriver. Rachad Khalifa. Rachad Khalifa, un égyptien, c'était un ingénieur en agriculture ou quelque chose comme ça. Puis il a fait des calculs à propos des versets dans le Coran, puis il disait que tous les versets étaient un multiple de 19. Puis à la fin, il s'est prétendu prophète. Et il rejette la sunna. Il a ouvert un centre aux États-Unis. Et puis jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours actifs. Hein. Donc c'est pour. Et oui, il a prétendu d'être un prophète. Donc c'est pour dire comment ces gens-là sont dangereux. Ça c'est Ghulam Ahmad, il est mort dans les toilettes. Non pas la tête, mais il est mort dans la toilette. Oui, parce qu'il a fait une bahala avec des ulama de la sunna en Inde, et puis lui il s'était prétendu prophète, et puis les ulama ils ont fait une bahala avec lui. Une bahala ça veut dire quoi? Ça veut dire comme le verset dans Surat Al-Imran, si je ne me trompe pas, je pense que c'est le verset 89 ou je ne sais pas, c'est peut-être 181, je ne me rappelle plus du numéro. En tout cas, ça dit « Amenez votre famille », c'est à propos des gens du livre à la base, des chrétiens, « Amenez votre famille » et nous on va amener notre famille, puis nos enfants, nos femmes et tout, puis on va invoquer la malédiction d'Allah sur le menteur. Donc c'est ça ce qu'ils font, ils se sont réunis. Les savants de Ahl-Sunna, les savants de la Sunna et les gens de cette secte, et puis ils se sont réunis les uns en face des autres, puis ils ont invoqué la malédiction d'Allah sur le menteur, chacun à leur tour. Ils l'ont vraiment fait. Et puis c'est l'autre qui est mort dans la toilette. Oui, c'est ça. Ok. Dans la toilette, ah oui, quand il est mort. Ok, Alhamdulillah. Ok, donc c'est ça. Ok, Allah al-Musta'an. Donc ils vont me faire dans la toilette quand il est mort. Bon, ben c'est ça. C'est pour dire. Eh ben ça, c'est des exemples. Et puis, malgré tout, ils ont la plus grande mosquée ici au Canada. C'est les Ahmadiyya. Hein. Les gens qui suivent le Ghulam Ahmad. Ben oui, c'est lui. Donc, mais je ne sais pas. Moi, je ne pensais même pas que les Ahmadiyya se voilaient, les femmes. Mais c'est des... Non, non, ils ne se voilent pas. Moi, je les connais. Ah oui, ils ne se voilent pas. Ils portent des vêtements pakistanais traditionnels, mais ils ne portent pas de voile. Les Ahmadiyya. Et puis, ils ont la plus grande mosquée au Canada, c'est eux qui l'ont. Et puis, attends, Alberta, je sais pas si c'est à Alberta ou quelque chose comme ça. Ça, ils ont la plus grosse mosquée au Canada. Ils ont une ville à eux. Ça, c'était les, toi tu parles des Ismaélites. Les Ismaélites, c'est pas la même chose. Je me suis déségaré. C'est pas que les Afghans. Il y en a en Inde, il y en a en Pakistan, il y en a en Afrique. Aga Khan et tout. Non, mais c'est parce que eux, les Koufars les aident. Les Koufars les aident. Aga Khan, il reçoit de l'argent du gouvernement canadien, des millions. Ben oui, parce que le gouvernement canadien, là, ils ont fait venir tous les Ismaélites de l'Afghanistan ici. c'est des rusés. Ah oui, ce sont des koufars, certes, oui, c'est des koufars. Les Ismaélites, ce n'est pas des musulmans. Ben, tu vois, ils le savent. Ben oui. Non. Allah Moustaan. Ah oui, leur chef, Aga Khan, il est accueilli comme un roi, comme il l'appelle l'honorable Aga Khan, et quand il est reçu ici, il est reçu comme un dignitaire d'un pays, alors qu'ils n'ont pas de pays, mais il est reconnu, il est accueilli comme s'il était un chef d'État quand il vient au Canada, avec les ministres et tout, il vient à l'assemblée du Parlement et tout, et il l'accueille comme ça. Non, c'est pas un Afghan, c'est un, je sais pas, il est quoi. En tout cas, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ils lui ont donné le musée l'ancien musée de la guerre, des trucs. Ils lui ont donné ce musée-là pour faire un centre pour encourager la diversité culturelle et la diversité culturelle puis l'ouverture, tout ça. Oui, c'est ça. Ils lui ont donné ce musée-là, le gouvernement canadien. Ah non, mais c'est... Non, mais... Et puis, ils sont partout, hein. Ils sont partout dans le monde, hein. Même en Afrique, en Asie et tout, ils ont eux, ils ne font rien de religieux en apparence. Tout, c'est des choses économiques et des affaires de business et des projets, mais derrière tout ça, c'est pour propager leur da'wa. Donc, on va continuer. Qu'est-ce qu'il dit ensuite, le cheikh, il dit « وليس من الحكمة أن تسأل عن قيام الساعة بل الحكمة أن تسأل عما تعمل أن تسأل عما تعمل كيف تستعد لهذا اليوم هذا هو الذي لك فيه مصلحة ولهذا لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أي أنا وأنت سواء كلنا لا نعلم متى قيام الساعة فإذا كان جبريل عليه السلام وهو سيد الملائكة ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم لا يعلمان وقت قيام الساعة فكيف يأتي من يدعي هذا فهذا فيه أن علم أو توقيت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ما المسؤول عنها وهو محمد صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل وهو جبريل أي كلنا سواء لا نعرف هذا وهذا تصديق للقرآن في أن علم الساعة إلى الله جل وعلا وفي هذا أن من سئل عن شيء لا يعلمه فإنه يرده إلى الله ولا يتخرس فيه الشيخ الزي ça ne fait pas partie de la sagesse de demander quand est-ce que va être l'heure du jugement. Au contraire, la sagesse consiste à faire les actions et à savoir et à poser la question « qu'est-ce que tu as fait pour le jugement dernier ?» comment tu t'es préparé pour le jour du jugement dernier ? Et c'est là-dedans qu'il y a un bien pour toi. Et lorsque il dit que c'est pour ça que lorsque Jibril a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam « donne-moi l'information au sujet de l'heure », le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « celui qui pose la question, celui qui est interrogé, il ne sait pas plus que celui qui pose la question ». Donc on est égal, on est tous les deux ignorants à ce sujet-là, on n'a pas la connaissance de l'heure. Donc, aucun d'entre nous, ni toi ni moi, ne connaît l'heure du jugement dernier. Parce que malgré que Jibril est le chef des anges et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des fils d'Adam, tous les deux ils ne connaissent pas l'heure du jugement dernier. Alors comment quelqu'un d'autre que ces deux-là pourrait venir et prétendre qu'il connaît quelque chose de l'heure du jugement dernier. Donc, on peut comprendre également dans ça que personne ne connaît l'heure du jugement dernier excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « mal mas'oulu anha », c'est-à-dire celui qui est interrogé, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « bi'a'lam min as-sa'il », c'est-à-dire il ne connaît pas plus que celui qui pose la question, c'est-à-dire Jibril. Et donc, on est tous les deux égaux, on ne connaît pas l'heure du jugement dernier, et ça c'est pour confirmer ce qui est écrit dans le Coran au sujet de l'heure du jugement dernier, pour dire que personne ne le connaît, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. On remet la connaissance de l'heure du jugement dernier à Allah. Et c'est ainsi pour toute chose au sujet de laquelle quelqu'un est questionné, lorsqu'on lui pose la question au sujet de quelque chose qu'il ne connaît pas, il devrait le renvoyer à Allah subhanahu wa ta'ala, et pas commencer à essayer de deviner, ou à faire des devinettes, ou à c'est de trouver sans connaissance. Il doit dire, ça c'est Allah qui sait. Allahu a'lam. Après le cheikh dit, وَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا وَأَيْ عَلَمَاتِهَا الْعَلَمَاتِ الَّتِي تَدُلُ عَلَى قُرْبِ قِيَامِ السَّاعَةِ مَوْجُودَ قال تعالى فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةَ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا أي علاماتها الأشراط يعني العلامات قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أما العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة فهي كثيرة ومعلومة ومنها ما هو كبير ومنها ما هو صغير ومنها ما هو متوسط وقد حدث الكثير منها وبقي العلامات الكبار وقد ألف العلماء مؤلفات كثيرة في ذكر أشراط الساعة وعلامات قيام الساعة وهذا علم يدرك من النصوص والأدلة. الشيخ الزي que Jibril a demandé une autre question par la suite, c'est-à-dire informe-moi au sujet de ces signes. On connaît pas l'heure, mais informe-moi au sujet des signes de l'heure du jugement dernier. Les signes qui indiquent que l'heure du jugement est proche et qu'elle arrive. Le cheikh il mentionne le verset 18 dans sourate Muhammad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourate Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. Est-ce qu'ils attendent autre chose que l'heure les surprenne subitement comme ça? Alors que les signes ont commencé à apparaître, les signes sont arrivés, ashratuha. Ashrat, ça veut dire, c'est le pluriel de sharf, et ça veut dire alama. Et une alama, ça veut dire des signes. Donc, et amarat, c'est la même chose. Amarat, c'est la même signification que alamat. Alamat, ça veut dire des signes, des indications. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que l'heure du jugement va venir et elle va venir d'une manière subite et il y a des signes qui sont arrivés qui nous indiquent qu'elle arrive, qu'elle approche. Yani, al-alamat. Et il mentionne un autre verset, هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَ. C'est le verset 210 dans Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'ils attendent autre que Allah subhanahu wa ta'ala qui va descendre ou qui va venir dans des nuées, dans les nuées, ainsi que les anges. Ça c'est au moment de de l'établissement du jour dernier. Hein, et personne ne connaît cette heure-là excepté Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne les signes qui indiquent que l'heure du jugement dernier est proche, eh bien, ces signes-là sont nombreux et elles sont bien connues. وَهُوَ كَبِيرٌ. Il y en a qui sont des signes qui sont grands, مِنْهَا مَا هُوَ كَبِيرٌ وَمِنْهَا مَا هُوَ صَغِيرٌ. Il y en a qui sont des petits signes, il y en a qui sont des grands signes, et il y en a qui sont des signes intermédiaires, c'est-à-dire qui ne sont pas ni gros ni petits, entre les deux. Et il y a beaucoup d'entre ces signes-là qui se sont déjà produits, et il reste encore les grands signes qui ne sont pas encore arrivés. Et il y a des savants qui ont écrit des livres, beaucoup de livres à ce sujet-là qui mentionnent les signes du jugement dernier. Et cette science-là ou cette connaissance-là, elle est basée sur les textes et les preuves. قال أخبرني عن أمراتها فلما كان السؤال عن علاماتها جائزا أجابه صلى الله عليه وسلم فذكر علامتين قال أن تلد الأمة ربتها وهذه واحدة معنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها تكون الأم مسودة والبنت سيدة سيدة لها هذا من العجائب أن البنت تكون سيدة لأمها فما معنى هذا ذكروا معنيين le sheikh il dit que étant donné que c'était permis de poser la question au sujet des signes alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu lorsque Jibril a posé cette question le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné deux signes il a mentionné le premier signe en disant que la mère va mettre au monde sa maîtresse. La mère, elle va mettre au monde sa maîtresse. Ça, c'est un des signes. C'est-à-dire que la mère va être celle qui est l'esclave et la fille va être sa maîtresse. Comme elle, c'est elle qui va être sa maîtresse. Ok. Donc, le chef, il explique. Il dit que ça fait partie des choses étonnantes. Qu'une fille, c'est elle qui est la maîtresse de sa mère, et c'est elle qui est la chef de sa mère. Est-ce que ça c'est possible? Le cheikh dit ça c'est quelque chose d'étrange. Donc qu'est-ce que ça signifie? Les ulama ont expliqué ça de deux façons. La première explication, ils ont mentionné المعنى الأول أن معناه أنه يكثر التسري في آخر الزمان ولا شك أن بنت الأمة تكون حرة وتبعا لأبيها فالبنت حرة والأم أمة فتكون البنت سيدة لأمها المعنى الثاني أن المراد بذلك والله أعلم أنه يكثر العقوق في آخر الزمان حتى كأن البنت تكون سيدة لأمها بأن تتكبر عليها le cheikh il dit qu'il y a deux explications de cette parole. La première signification c'est que ça dit qu'à la fin des temps il y aura beaucoup d'esclavage. Il y aura beaucoup d'esclavage et il n'y a pas de doute que lorsque quelqu'un, un homme a un enfant avec son esclave, eh bien, l'enfant de cet esclave-là va être libre. Donc, si l'esclave a une fille, eh bien, cette fille va être libre, et elle, la mère, va être toujours esclave. Donc, ça, c'est une explication de ce hadith-là que les ulama ont mentionné. Il y a une autre explication, puis, Allahu A'lam, c'est elle qui est la plus correcte, et même Al-Hafiz ibn Hajar dans Fath al-Bari, il a mentionné que c'était elle qui était la plus valable parmi les explications. Il a dit que c'était qu'à la fin des temps, il va y avoir beaucoup de mauvais comportements de la part des enfants envers leurs parents. Que la fille va agir avec sa mère comme si c'était elle la maîtresse et que sa mère est son esclave. Et ça, c'est des choses qu'on va voir dans la fin des temps de la part des enfants envers leurs parents. Donc, ça, c'est des exemples de uquq. Et le cheikh, comment il s'appelle? Ibn Hajar al-Asqalani, il dit dans Fath al-Bari que la première explication, bon, déjà à propos de ce hadith-là, il a mentionné 7 paroles différentes, puis il a résumé à la fin, et il a dit que la plus correcte, c'est justement que les enfants vont avoir un mauvais comportement envers leurs parents, ils vont traiter leurs parents comme si ce sont leurs esclaves. Et même ici au Québec, il y a l'expression bien connue de l'enfant roi. Hein, c'est l'enfant qui fait des caprices, qui contrôle ses parents, qui impose à ses parents des choses, et même des fois c'est des enfants tout jeunes. Hein, la mère elle amène son enfant au magasin, l'enfant il commence à crier jusqu'à ce que la mère elle accepte de finalement acheter qu'est-ce que l'enfant veut. Hein, parce que si elle l'achète pas, il va faire une crise, et il va tellement crier, il va tellement pleurer que elle va avoir honte, elle va être gênée devant les gens. Et l'enfant, il sait ça, et il manipule ses parents de cette manière-là. Donc ça, c'est un exemple de ce genre de comportement-là. Et le cheikh dit, en ce qui concerne l'autre explication qui a été mentionnée au sujet de l'esclavage, et qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup d'esclavage, il dit ça, c'est pas quelque chose qui est particulier à notre époque. Même avant, quand les gens avaient des esclaves, la fille qu'ils avaient avec cet esclave, elle était libre. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bilal, ça va très bien, alhamdulillah, mashallah, tabarakallah. Donc, c'est pour dire que l'explication la plus valable, c'est celle-là. Donc c'est quelque chose qui montre qu'il y a quelque chose de pas normal, tandis que les affaires de dire que c'est à cause de l'esclavage, ça c'est quelque chose qui est pas étonnant, c'est quelque chose qui a toujours été, c'est pas surprenant, tandis que quand tu dis que la fille a traité sa mère comme une esclave à cause du mauvais comportement qu'elle a envers elle, ça c'est quelque chose qui est étonnant, ça montre que les choses changent, les temps changent d'une manière qui est mauvaise malheureusement. Donc ça c'est un exemple. Après il donne l'autre exemple, Thaniyat, et puis qu'est-ce qui est incroyable dans ce hadith, c'est que les deux signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ces hadiths-là, les deux sont arrivés. Hein, c'est le premier qu'on a mentionné, et le deuxième qu'il mentionne, lui aussi il est arrivé ce signe-là. Donc on va aller qu'est-ce que c'est. Le chef il dit, Thaniyat, قال وأن ترى الحفاة العراة العالة أي نعم وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يعني البادية هذه صفات البادية حفاة أقدامهم عراة أجسامهم بمعنى أنهم يلبسون ثيابا تكون متواضعة أو ثيابا لا تستر جميع أبدانهم بسبب الفقر أو عدم العناية بالملابس كما هو ظاهر على الأعراب ليس معناه التعري ولكن معناه أنهم لا يلبسون ثيابا جميلة ثيابا فاخرة وإنما يلبسون ثيابا متبذلة أو ثيابا قصيرة أو غير الثياب المعروفة التي تجمل الإنسان. الشيخ يزي que tu vas voir à la fin des temps les bédouins, ceux qui sont nu-pieds, nus, et qui sont les gens qui s'occupent des troupeaux, des moutons, hein, qui élèvent les moutons, c'est-à-dire les bédouins, et ça c'est les caractéristiques des bédouins, ils sont nu-pieds, leurs pieds ne sont pas chaussés, et ils sont nus, leur corps est nu, c'est-à-dire pas qu'ils sont nus, qu'ils n'ont pas de vêtements, mais qu'ils sont nus dans le sens que ils ont des vêtements vraiment, disons, des vêtements vrais. En fait, non, ils ont vraiment des vêtements simples. ils ont vraiment des vêtements humbles et ils ont des vêtements parfois qui ne couvrent pas leur corps au complet parce qu'ils sont pauvres, ou bien qu'ils ne portent pas vraiment attention à leurs vêtements. Donc ça, c'est qu'est-ce qui est apparent chez les bédouins en général. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nus, mais ça veut dire qu'ils ne portent pas des beaux vêtements, des vêtements prestige ou tu vois, des vêtements dispendieux et des choses comme ça. C'est des vêtements souvent qui sont un peu négligés, quelqu'un qui ne fait pas attention à son apparence vestimentaire. Ou bien qui porte des vêtements qui sont courts, ou des vêtements qui ne sont pas connus comme étant les vêtements par lesquels les gens s'embellissent. Donc ça, c'est les caractéristiques des bédouins. Et il dit « قوله دعاء الشاء » هذا عملهم أنهم رعاء يرعون الشاة والإبل وهذه طبيعة البادية يعيشون على تربية المواشي هذه تجارتهم ومعيشتهم ويعيشون في البراري وفي آخر الزمان يتحضرون ويسكنون الحاضرة ويبنون كانوا في الأول يسكنون في الخيام وفي بيوت الشعر وفي آخر الزمان يتطولون في المباني ويبنون ويتفاخرون في المباني وربما يبني الطوابق الكثيرة العالية وينمقها ويزينها ويحسنها وهو كان في الأصل يسكن في بيت شعر أو خيمة أو ما أشبه ذلك فتحول حالهم هذا من علامات الساعة يتطولون في البنيان كما هو واقع الآن مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم فإن أهل البادية سكنوا المدن وصاروا يتباهون في المباني كل واحد يريد أن يكون أحسن من الآخر في بنايته ومظهرها وارتفاعها فهذا من علامات فهذا من علامات ومن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن شيء وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. الشيخ الزي في رعاء الشاة c'est-à-dire ce sont des gens qui s'occupent de leurs troupeaux, soit des moutons ou soit des chameaux. Et donc ça c'est la nature des bédouins. Ils vivent en s'occupant des troupeaux. Et c'est ça leur commerce, ils vivent de ça. D'accord? Donc ils sont souvent des nomades, ils se promènent d'un endroit à l'autre et ils transportent avec eux leurs troupeaux et puis ils vivent en dehors des villes. Et à la fin des temps, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils vont devenir sédentaires et ils vont s'établir dans les villes eux aussi. Puis ils vont commencer à bâtir des maisons. Et au début, ils vivaient dans des maisons de peaux, comme des tentes, des maisons fabriquées avec des peaux d'animaux. Et à la fin des temps, ils vont commencer à compétitionner les uns et les autres dans les bâtiments. Ils vont compétitionner entre eux dans les bâtiments pour savoir lequel va construire les bâtiments les plus beaux, les plus prestigieux, etc. Et peut-être même qu'ils vont bâtir des édifices avec plusieurs étages et qu'ils vont les embellir et les faire d'une manière vraiment bien décorée, etc. Alors qu'à la base, ils habitaient dans des tentes, dans des maisons faites avec des peaux d'animaux et des choses de ce genre. Et après, leur situation change. Et c'est pour ça que ça, c'est un des signes du jugement dernier, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yatatawaluna fil bunyan » et ils compétitionnent dans les bâtiments. Et ça, à Dubaï, c'est clair, et puis pas juste à Dubaï, même à Abu Dhabi, à Riyad, yahoukoullah. Donc c'est pour ça, vous voyez ça partout maintenant, les bédouins qui font ça, et même pas seulement en Arabie et dans les pays du Golfe, mais même dans d'autres pays. Des pays musulmans. Ben oui, c'est ça. Ben beaucoup en Arabie Saoudite, à la base, ils étaient des bédouins, ils vivaient dans le désert. Puis, quand, par la suite, ils sont devenus sédentaires, ils ont bâti des maisons. Moi, qu'est-ce que j'ai entendu des histoires de la part de certains frères de l'Arabie Saoudite? Ils me disaient que leurs grands-parents, ils faisaient construire des châteaux. Ben, comme on dit des châteaux, eux, ils appellent ça comme ça. Des grosses maisons, hein, des grosses villas, puis ils dormaient dehors, dans leur tente, en avant de la maison. Ouais, parce qu'ils n'étaient pas à l'aise à l'intérieur. C'est les jeunes, par la suite, eux, ils se sont habitués, donc ils sont à l'aise dans les maisons. Mais les anciens, eux, ils voulaient rien savoir de vivre dans des maisons comme ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Un milliard d'argent algérien. Oui. Parce que c'est ça. Les gens, ils pensent que parce que quelqu'un vit dans le désert, il a du troupeau, ils pensent que c'est des gens pauvres. Ça veut pas dire nécessairement qu'ils sont pauvres parce que parfois ils ont du bétail. Et c'est ça leur richesse. Du bétail, ils ont des animaux, ils ont des bêtes. Et ça, ça coûte très cher. Un seul chameau, là, ça coûte très très très cher. Hein? Exactement. Donc imaginez si vous avez des moutons. Tu as quand même une richesse. Hein? C'est comme ça. Donc, alhamdoulilah, c'est pour dire. Ils font l'élevage. Ils font l'élevage. Ils les font reproduire et tout. Et c'est pour ça qu'il y a la zakat sur les animaux. Oui. Humour et ni'am. Humour et ni'am. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah fasse que par, à cause de toi quelqu'un soit guidé, c'est mieux pour toi que humour et ni'am. C'est-à-dire les chameaux rouges, les chamelles rouges. Ça, c'est une richesse chez les Arabes à l'époque. Donc, c'est pour dire, ça, c'était une grande richesse. Il n'a pas voulu la donner. Il y a un verset dans la Tawbah à ce sujet-là. Subhanallah, ouf, a'udhu billah, hein? C'est grave. Non, c'est parce que il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire un doigt pour lui pour l'enrichir. Puis, quand il a reçu la richesse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de donner la zakat de cet argent-là et il est devenu avare. Il n'a pas vu donner. Donc, Allah l'a puni par la suite par de l'hypocrisie dans son cœur. Donc, à cause de ça, plus tard, les Khulafa Rachidin n'ont pas accepté sa zakat par la suite, même quand ils voulaient la donner. Donc, il est mort à l'époque d'Othman. Donc, Abu Bakr n'a pas accepté sa zakat, ni Omar, ni Othman. Le Cheikh, il dit ensuite, Kama huwa waqi'un al-an. Il dit, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça vient confirmer, qu'on voit que les Bédouins, maintenant, ils habitent dans les villes et ils commencent à se faire la compétition dans les bâtiments qu'ils construisent. Et chacun veut faire un bâtiment plus beau que ce que l'autre a construit dans son apparence, dans sa hauteur. Et donc ça fait partie des signes et des miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il nous a informé de quelque chose qui allait arriver et c'est arrivé tel qu'il l'avait dit. ثم قال ثم انطلق أي قام السائل وخرج فخرج بعض الصحابة في أثره فلم يجده وهذه عجيبة لأنه كان بينهم يسأل ويتكلم وفي لحظة اختفى عنهم. Donc il dit puis ensuite il est parti, c'est-à-dire la personne qui est Jibril, il est parti, il est sorti, puis il y a d'autres sahaba qui sont allés pour le chercher pour voir où est-ce qu'il était parti, ils l'ont pas trouvé. Et ça c'est étonnant, parce qu'il était juste là présent avec eux, il parlait, il posait des questions, et puis tout d'un coup, il est disparu, il le retrouve plus. Donc, le cheikh dit ensuite, وَقَالْ أَتَدْرُونَ مَنِ السَّائِلْ قَالُوا أَلَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ قَالَ إِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ هَذَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَلَكَ لَا يَأْتِي فِي صُورَتِهِ الْمَلَكِيَّةِ لأن الناس لا يثقون رؤيته على صورته الملكية وإنما يأتي في صورة إنسان حتى لا ينفر الناس منه وغالبا ما يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل وغالبا ما يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل وعنده أصحابه كسائر السائلين والطلاب لا يتميز عنهم لأجل أن لا ينفروا. Qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh il dit, est-ce que vous savez qui est venu vous questionner, qui est venu vous interroger ou poser des questions? Ils ont dit, Allah et son messager savent mieux. Il a répondu, c'est Jibril, il est venu pour vous enseigner votre religion. Et le cheikh il dit qu'il y a dans ça la preuve que l'ange, il ne vient pas dans son image ou dans son apparence d'ange, parce que les hommes ne pourraient pas supporter de le voir. Ils auraient peur s'ils verraient les anges dans leur apparence réelle, ils ne pourraient pas supporter ça. tu sais, en fait, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les êtres humains, comme on dit, avec tous les films qu'ils font maintenant, les Hollywood et tout, ils font des images de choses que les gens ont jamais vues. Et avec les trucs numériques et tout, là, les 3D et tout, maintenant ils font des choses, maintenant tu vois ça, on dirait que c'est réel. Puis les gens ont une image maintenant, on imagine des créatures qu'on n'a jamais vues, comme tu dis, qui imaginent, même des fois ils imaginent des anges avec des ailes et tout. Et en fait, dans le film, les gens réagissent devant des choses, parfois elles n'existent même pas, ils font juste les réactions, hein, puis il y a les... Tu es étonné que tu vois ça. Et donc, imaginez, subhanallah, nous on est habitué de voir des choses ordinaires, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire dans ce qu'on voit tous les jours. Mais imaginez qu'un jour comme ça, on verrait quelque chose comme un ange. On serait peut-être tellement bouleversé, peut-être que certains ils finiraient à l'asile, ou bien à la faire des fous, parce qu'ils ne pourraient pas croire que qu'est-ce qu'ils voient, ça existe. Hein? Exactement, exactement, à la mort, c'est justement, c'est ça ce que le cheikh il explique maintenant. Il dit ici, on peut pas supporter de voir l'ange dans son apparence réelle. Et il vient, l'ange souvent, à l'apparence d'être humain, pour pas faire fuir les hommes. Parce que en grande partie, Jibril venait à l'apparence d'un être humain, comme c'est le reste des hommes, comme ses compagnons. Il venait poser des questions, on ne peut pas le distinguer des autres. En tout cas, qu'est-ce qui se passe, c'est que le cheikh dit, il venait en homme pour ne pas faire peur, pour ne pas faire fuir les hommes. Et c'est pour ça donc. Après le cheikh dit, وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَشَكَّلْ بِأَشْكَالٍ حَسَبَ الْمَصْلَحَةِ وَقَدْ أَعْطَاهُمُ اللَّهُ الْقُدْرَ عَلَى ذَلِكَ لأجل مصلحة البشر والناس لا يرون الملائكة إلا عند العذاب والعياذ بالله وكذلك عند الموت تظهر الملائكة يراهم المحتضر قال تعالى ويوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين أما قبل ذلك فالناس يرونهم في صور لا تختلف عن صور الناس لشيخ الزي il y a dans ça une preuve que les anges peuvent changer d'apparence selon l'intérêt ou selon qu'est-ce qui est le mieux à faire. Et donc Allah leur a donné cette capacité-là de changer d'apparence pour le bien des hommes. Et les hommes ne peuvent pas voir les anges dans leur réelle apparence, excepté lors du châtiment, et également lors de la mort. Et les anges apparaissent et ils les voient tels qu'ils sont réellement. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 22, dans Surat al-Furqan, le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas de bonnes nouvelles ce jour-là pour les criminels. Ce ne sera pas des bonnes nouvelles parce que eux, ils demandent toujours de voir les anges. Hein? Subhanallah. Donc, ceux qui n'espèrent pas en notre rencontre, ils disent, si seulement, Allah faisait descendre les anges, ou bien qu'on pouvait voir notre Seigneur. Ils se sont enflés d'orgueil en eux-mêmes. Voilà qu'il لماذا جاء جبريل لماذا جلس الجواب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم يعلمكم دينكم فهو لا يسأل ليتعلم إنما يسأل ليعلم فهذا فيه دليل على أن السؤال والجواب من طرق التعليم بل من أبلغ طرق التعليم أن يكون على طريق السؤال والجواب وهي طريقة تربوية جيدة ومعروفة. Le cheikh dit, mais pourquoi Jibril est venu? Et pourquoi il s'est assis? La réponse est dans la bouche du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il vient dire qu'il est venu pour vous enseigner votre religion. Donc, il ne vient pas pour poser des questions pour apprendre, il vient poser des questions pour enseigner. Et il y a la preuve que la question, la façon ou la méthode de question-réponse, c'est une bonne méthode pour enseigner. Et c'est une des méthodes les plus effectives pour enseigner, d'utiliser les questions-réponses, c'est une bonne méthode d'éducation. Et elle est bien connue. Après, le cheikh dit, وقوله يعلمكم دينكم فيه دليل على أن الدين يؤخذ بالتعلم لا يؤخذ من العادات والتقاليد والبدع والمحدثات وفيه دليل على أن الدين يتكون من ثلاث مراتب بعدها أفضل من بعد المرتبة الأولى الإسلام وأركانه الخمسة والمرتبة الثانية فوقها الإيمان وأركانه ستة والمرتبة الثالثة وهي أعلاها الإحسان وهو ركن واحد أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك للشيخ الزين qu'il est venu pour nous enseigner notre religion. Ça, c'est la preuve que la religion, elle doit être prise par de l'enseignement. On doit l'apprendre. On ne prend pas la religion des traditions, des coutumes, des innovations, des choses inventées dans la religion. Hein? Donc, la religion, on doit l'apprendre. Et il y a la preuve également que la religion, elle est en trois degrés, comme on l'a vu. Qu'il y a des parties de la religion qui sont meilleures que d'autres. La première partie, c'est l'islam, c'est les cinq piliers. Le deuxième degré, c'est al-iman, et c'est un peu plus haut que le premier, et c'est de six piliers. Et le troisième degré, c'est al-ihsan, et c'est le plus haut degré, et c'est un seul pilier, et c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, et si toi tu peux pas arriver à ça, alors tu l'adores, et tu l'adores comme si lui il te voit. D'accord? Donc le cheikh dit, وفي هذا الحديث تعلم الدين على الحث وفي هذا الحث على تعلم الدين وأن المسلم يجب عليه أن يتعلم دينه ولا يكتفي أن يقول أنا مسلم ولا بد أن يتعلم ما هو الإسلام من أجل أن يؤديه على الوجه المطلوب لا يكفي أن ينتسب الإنسان إلى الإسلام وهو لا يعرف عنه شيئا لو سئل عن الإسلام لقال أنا مسلم ولكن لا أدري ما هو الإسلام هذا من العجائب كيف يكون مسلما وهو لا يدري ما هو الإسلام هذه مشكلة فقد يقع في شيء يخالف الإسلام وهو لا يدري أو يترك شيئا يخل بالإسلام وهو لا يدري أو يفعل شيئا يتنافى مع الإسلام وهو لا يدري لأنه لم يتعلم الإسلام فهذا فيه دليل على وجوب تعلم الدين بمراتبه الإسلام والإيمان والإحسان الشيخ يزيد il y a dans ça également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous incite à apprendre notre religion et que le musulman c'est obligatoire pour lui d'apprendre sa religion il ne peut pas juste se limiter à dire moi je suis musulman il faut qu'il apprenne c'est quoi l'islam Parce que si quelqu'un dit « je suis musulman » et ne sait pas c'est quoi l'islam, à quoi ça sert? Donc, il doit être capable de répondre et d'expliquer qu'est-ce que c'est l'islam d'une façon correcte. Hein? C'est pas juste de dire « je suis musulman » et il ne connaît rien de l'islam. Il dit, beaucoup de gens, si tu leur poses la question « qu'est-ce que c'est l'islam ?» Il va dire « je suis musulman, mais je ne sais pas ce que c'est l'islam. » Hein? Donc, ça c'est une chose étonnante. Et donc, comment quelqu'un peut être musulman puis il ne sait pas qu'est-ce que c'est l'islam, ça c'est un gros problème et il peut même par la suite faire des choses contraires à l'islam puis il ne sait même pas que c'est contraire à l'islam parce qu'il ne sait pas ce que c'est la religion et il abandonne des choses qui sont des choses qui vont annuler son islam et il n'est même pas au courant de ça non plus ou bien il va faire quelque chose qui est en contradiction avec l'islam puis il ne sait pas parce qu'il n'a pas appris son islam donc ça c'est la preuve que c'est obligatoire d'apprendre la religion avec ses trois degrés, l'islam l'Iman et l'Ihsan. Et ça, si vous retournez au livre qu'on appelle Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements de la religion, ça dans ce livre-là, il y a l'explication justement de ces degrés de l'islam en détail, surtout avec le Sharh. Quand vous l'apprenez avec le Sharh, vous allez avoir une compréhension vraiment plus correcte et profonde pour savoir qu'est-ce que c'est l'islam et c'est de savoir qu'est-ce qui est obligatoire à chaque musulman de connaître de sa religion, ça c'est quelque chose qui est fondamental et c'est pour ça l'importance de ce hadith-là, le hadith de Jibril. Et moi je vous incite et je vous encourage à le mémoriser comme j'ai dit pas juste de l'écouter puis de le connaître, mais de l'apprendre par cœur, en arabe, inshallah, parce que c'est très important. En fait, tous les hadiths qui sont dans ce livre, vous devriez, les 40 hadiths, c'est les hadiths de base, tout le monde devrait, chaque musulman devrait faire un effort pour les mémoriser par cœur, pour les apprendre par cœur et essayer de les comprendre et de les pratiquer. Le prochain hadith, c'est le hadith de Ibn Omar qui parle des 5 piliers. Bouni à l'islam à la khams. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hein? Ça tatanazfal d'umou' al-yawm. Hein? Ok. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayhi.